Les frustrés, d'après Claire Brotéché. Catéchisme. Pierre ne me comprend pas du tout. Forcément, il a ses affaires, il est toujours dehors. Des rendez-vous à droite à gauche, des réunions avec des gens importants, des déjeuners professionnels. Moi, je suis toujours à la maison, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Je veux dire, c'est un homme, quoi. Les hommes, c'est autre chose. Comment ça, les hommes, c'est autre chose? Mais, enfin, Catherine, tu sais bien. Moi, par exemple, je serais jamais capable de faire ce qu'il fait. Un homme, il sait gérer des affaires, assumer des responsabilités, diriger des équipes, prendre des décisions. Une femme, c'est pas pareil. C'est pas pareil? Bah non, non, c'est pas pareil. D'ailleurs, Pierre dit que quand une femme a ses règles, elle est plus bonne à rien ni avant, ni pendant. Remarque, il a raison. Il a raison. Moi, par exemple, c'est à ça que je sais que je vais les avoir. D'un coup, je me traîne, je suis triste, irritable, je me mets en colère pour un rien. Et ça peut durer jusqu'à 10 jours, des fois. Et après, j'ai les Anglais qui débarquent. Et là, c'est plutôt pire. Je me mets à déprimer, tout me pèse. Dès le réveil, hein. L'idée de réveiller les gamins, de les habiller avec Camille qui me fait une crise tous les matins parce qu'elle veut aller à l'école en tutu rose, et Justin qui va absolument mettre son short de footballeur alors qu'il fait 5 degrés à tout casser. Et je te parle pas du petit déjeuner, hein. C'est à celui qui renversera son bol de céréales le premier. Quand j'ai mes règles, je t'avoue que j'ai du mal à supporter. Mais seulement quand t'as tes règles, rassure-moi là, parce que... Bah oui, oui. Non, Pierre a raison. Avant, pendant, une femme n'est plus bonne à rien. Le pire, c'est quand je rentre à la maison après les avoir enfin déposés à l'école. J'ai la tête encore farcie des remontrances de la directrice. Je sais pas comment vous vous débrouillez pour qu'ils soient toujours en retard, vous êtes bien la seule. Vous croyez que c'est facile pour eux d'arriver quand la classe a commencé? J'arrive chez moi et là, c'est atroce. Je regarde la cuisine, une vraie dévastation. Les céréales collées au plafond, la vaisselle de la veille. Et puis les lits à faire, les courses... Alors je m'affale sur mon canapé et je pleure. Tout ça à cause de tes règles, bien sûr. Bah oui. On n'y peut rien. Il paraît que c'est hormonal. Forcément, les hommes, ils ont pas ça. Ils ont pas d'hormones, les hommes. Bah, en tout cas, ils doivent pas avoir les mêmes. Je veux dire, rien ne les arrête. Ils sont toujours forts, ils travaillent des journées entières, ils se laissent pas abattre. C'est quand même rare d'en voir un qui s'écroule en pleurant dans son canapé parce qu'il a ses ragnagnas. Bon. Écoute-moi bien, Anna. Je suis chiante, je le sais. Pierre n'arrête pas de me le dire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute si je suis chiante? Non, disons que c'est pas de ta faute si tu penses que tu l'es, et que c'est pas la faute de tes règles non plus. Hein. Tu es tout simplement une victime de la phallocratie. Ah bon? Tu es... Bon, excuse-moi de te le dire, Anna, hein, mais tu comprends, c'est pour ton bien. Tu es... une caricature de la femme victime de la phallocratie. Je t'explique. Depuis que le monde est monde, l'homme essaye de réduire la femme à sa seule fonction procréatrice. Comme si ce pouvoir qu'elle a, et qu'elle est seule à avoir, de mettre des enfants au monde, justifiait qu'on lui interdise tout autre pouvoir, c'est-à-dire en réalité, toute liberté d'action, de pensée, d'expression. Ah bon ? Je te donne un exemple. Qui a inventé les religions ? Les hommes ? Quels droits ont les femmes dans les religions? Se taire, se cacher, se sacrifier. Motif? Leur impureté. Quelle impureté? Leur monstru, quoi, leur règle, leur agnagna. Oh, ce que les hommes n'ont pas inventé au fil des siècles pour nous convaincre que nos serviettes hygiéniques faisaient de nous des êtres inférieurs. Oh, quand je pense qu'on a encore pour affirmer sérieusement que ça nous fait rater la mayonnaise. Ça, c'est la vérité. Moi, quand j'ai mes règles, j'évite de servir des gambas à Pierre, ils trouvent que la mayonnaise a un goût. Anna, ma chérie, cette réflexion s'inscrit dans la tradition du chauvinisme mâle ordinaire. Il te faut réagir. Réagir à quoi? Mais achète de la mayonnaise en pot et qu'on n'en parle plus. Ah non, il déteste ça. Il dit que la mayonnaise en pot a un goût de... Mais je plaisante. Ah. Anna, nous traversons une époque où grâce à l'intervention, je dirais, musclée de quelques esprits éclairés, surtout des femmes d'ailleurs, nous assistons enfin au début de l'effondrement du mythe de la virilité. Ah bon? Lequel consiste à valoriser exclusivement chez l'homme des qualités telles que force, sagesse, autorité, entreprise, c'est-à-dire en réalité, prédation sur la femme, domination sexuelle et pouvoir absolu au sein du foyer. Pardon ? Et c'est entre autres ce qui fonde le patriarcat. C'est quoi ? Oh, mamma mia ! Ne te fatigue pas, je demanderai à Pierre. Bon, C'est un système d'oppression des femmes. Je suis pas si oppressée que ça. Qui aboutit naturellement à l'aliénation mentale et économique de celle-ci. Tout est mis en place dans le patriarcat pour que les femmes se sentent d'elles-mêmes des êtres inférieurs, convaincues de débilité et incapables d'autonomie financière. Mais en même temps, c'est le cas. Non ! Anna, tu n'en es persuadée que parce que, comme beaucoup d'autres, tu subis quotidiennement depuis que tu es née un écrasement de ta personnalité. Ils ont même été jusqu'à nous inventer un complexe de castration. Oh, soi-disant qu'on serait mal dans notre peau parce qu'on serait vexé de ne pas avoir de phallus. Ah bon ? Anna, il est temps que tu réagisses. Pour commencer, tu vas dire merde à Pierre, hein, et tu vas trouver un moyen de t'assumer. Je t'aiderai, crois-moi, tu n'es plus toute seule, t'as bien fait de me parler, nous sommes des milliers de femmes à lutter, nous sommes toutes solidaires. Oui, oui Catherine, tu as raison. Mais comment faire ? Nous, les femmes, nous n'y pouvons rien. Nous sommes plus faibles. Ça a quel goût, une cigarette ? Bah tiens, essaie. Oh non. Non, tu veux rire, hein ? Pierre détesterait. Oh ! La tête qui ferait s'il me surprenait en train de fumer. Il dit que le tabac, c'est pas féminin. Mais il a raison d'ailleurs. Enfin, je dis pas ça pour toi. Hein. Les frustrés. Adapté de Claire Bretécher par Christelle Wurmser. Catéchisme, avec Éléonore Jonquet et Clotilde Morgiève. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugit.